pense à un jacuzzi. Je lui plante un couteau dans l'école, le mauvais assoupi. Mettez-vous un mic dans le hux si vous pensez que je vais vivre accroupi et sans toupet. Je vais tout prendre, je sais pas si tu piges. Les meufs flippent alors que j'ai pas encore tout mis. Appelle-moi le tsunami quand je kick sur un beat. B.A. Henry et certains d'autres enchaînent le style. Bada quoi, bada qui, bada boom, bad flow. Une balade un peu comme d'hab pendant que je les enrage des tas de faux. J'écris des textes par douzaine, toi, dis-moi ce que tu fais. Des trucs de temps en temps avec tes potes pour délirer. Arrêtez tout simplement de me prendre la tête. Au Luxembourg, j'en connais pas un qui sur scène fout comme moi la merde. Arrêtez de me mentir, de vous mentir. Arrêtez de conspirer pour une cause à quelques centimes. À croire que je suis un putain de chat. Je retombe toujours sur mes pattes et je sais que j'ai toujours le choix. Borde de chien, moi je volerai au-dessus des terres inconnues. Si tu dis t'es pas cap, j'irai t'es prévenu. Je roule un gros béto, ré mi fa sol la si do bé pompé. Je me sers un verre de sky et je me pose sur le canapé. Je roule un gros béto, ré mi fa sol la si do bé pompé. Je me resserre un verre de sky et je me repose sur le canapé. Yo. Le G comme le point que ta meuf me demande. Le O comme le O. Quand sur la scène je monte, mec, il pleut abusé. Je grimpe sur le T, je rame avec le I. Jusqu'à cette île où rien n'est gratuit. Donc il me faut des E, il me faut des A, des N, des S. Il vous faudra des années pour arriver là où on est. L'originalité reste la cible locale. Je sais pas comment j'aurais fait sans Nickel K, moi. Je roule un gros béto, ré mi fa sol la si. Un gros béto, ré mi fa sol la si. Je me sers un verre de sky et je me pose sur le canapé. Je roule un gros béto, ré mi fa sol la si. Je me repose sur le canapé. Yo. Sérieux, t'as cru que ton rap nain pouvait effrayer l'homme. T'as cru qu'avec ton flow de merde tu pourrais faire des loges. Excuse mes fautes de grammaire, mais beaucoup sont des merdes. Et face à leur jugement stupide, je reste de marbre. Je m'envoie les couilles, je me saoule. Et si tu fais un zoom, tu verras un mec fatigué, c'est tout. Un mec qui n'en a plus rien à foutre. Un mec qui veut faire du son tous les jours.